Yeah. Écoute noir, moi je suis sur la piste verte. We'll be right back. to płynę. J'ai bien trouvé ce rythme. Mm-hmm.